It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Last night, a DJ saved my life. Autrement dit, la nuit dernière, un disque jockey m'a sauvé la vie. C'est ce que nous racontait en 1982 le groupe disco-funk Indie. Mais dis-moi, qui appellerais-tu aujourd'hui en cas d'urgence pour te sauver la vie? J'ai mal à la tête, j'arrive. J'ai un panari, j'arrive. N'importe quelle heure, merci. Soignez-moi, je veux pas attendre et je veux être sûr d'être guéri. Mais je vous emmerde, mon petit vieux. Bon. Visiblement, les débats sur la réforme de l'hôpital public sont très bien engagés. Ici, nous suivrons cela de près. Toujours est-il qu'il est à présent 11h11, les cloches retentissent derrière moi. Alors, bien entendu, c'est l'heure de te vautrer confortablement afin que nous entamions ensemble les modestes aventures de ce 146e épisode du Mangin Palace où nous allons assaisonner les merveilleuses actualités. Avant tout, comme l'exige la tradition, débutons par notre petite session freudienne, en compagnie de Monsieur Divan Beaujelet, le fieffé sacripant de nos coursives, avec qui nous avons une fois de plus cette semaine essayé de démasquer l'inconscient du discours politico-médiatique. Ainsi, découvrons entre autres ce matin le zèle éhonté d'un garde-barrière, les idées lumineuses d'un gardien de musée et les contrariétés d'une éventuelle assemblée au garde-à-vous. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Saint-Lôt, la cité normande avait été choisie ce matin par Nicolas Sarkozy pour présenter ses vœux au personnel de l'éducation nationale. Bah ouais quoi, faut bouger. Dans la salle où il a fait son discours, Nicolas Sarkozy pouvait voir au loin, derrière des baies vitrées, des manifestants venus crier leur colère. Je n'ai que deux certitudes. La réforme, il la faut. Qu'est-ce que t'as à être obsédé par ce truc de merde? Le calendrier pour septembre 2010. Tu fais chier avec ton calendrier. Aucun tabou. Quoi, tu me prends pour un pervers, ça va pas? Si ce n'est, je l'annonce, on fera cette réforme sans enlever un centime et sans supprimer un poste. Mais tu sais, on peut pas gagner à tous les coups. Au niveau du lycée. Ah, franchement, ça m'aurait étonné. Officiellement, tout va très bien. Tu peux t'accrocher maintenant, j'en ai assez. Entre André Valigny et Martine Aubry. Tu les pompes jusqu'à la moelle, hein. Le député de l'Isère, très proche de François Hollande. Tu as réussi de très jolie façon à m'humilier devant mon patron. Démissionne de ses fonctions pour des raisons, dit-il, personnelles. Tu m'emmerdes, tu comprends? Rien de tel que de dresser soi-même son propre bilan, brique sortefeu. Un parfait organisme. Qui s'apprête à quitter le ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale pour celui du travail. Et sa perfection structurelle n'a d'égal que son hostilité. A défendu aujourd'hui tout ce qu'il a impulsé au cours de ses 19 mois à la tête du ministère, mettant notamment en avant les quelques 30 000 départs contraints ou volontaires de l'an dernier. Qui n'est pas souillé par le remords. On veut dire à la population immigrée en situation régulière. Par la conscience. Vous n'êtes pas venu en respectant nos règles. Vous êtes venu soit senti, soit en mentant, encore une fois, sur les objectifs de votre venue. Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Eh bien, vous ne pouvez pas rester. J'en ai assez entendu. Débranche-le maintenant, je t'en prie. Moi, j'ai un pressentiment. Les moins de 25 ans et les professeurs vont pouvoir entrer gratuitement dans les musées. Oh, il y a sûrement une combine. C'est l'une des mesures annoncées par Nicolas Sarkozy qui présentait ses vœux au monde de la culture. Je vous sens soucieux en ce moment. Le chef de l'État s'est autoproclamé. Je me trompe. Président d'un conseil pour la création artistique. J'ai demandé par ailleurs à ce qu'on crée un conseil pour la création artistique, instance que nous présiderons Christine Albanel et moi. Vous pouvez rire. On a l'habitude d'être l'objet de moqueries. Ok. Et qui sera animé par une personnalité importante de notre vie culturelle. Tu es épilé, va. Marine Carmitz. Quoi? C'est pas possible, il y a une erreur. Et sans la possibilité de défendre le point de vue qui vous est propre contre d'autres, peut-être plus agressif au plan idéologique, ce qu'on appelle le bon sens et la modération seraient voués à une mort rapide. Toujours la chaude ambiance entre les Bourbons ou les députés. Montrez-moi ce que vous avez dans ce bar. C'est Charles. Dites pucelle. Sur la loi portant sur la procédure législative. Vous allez me faire plaisir de vous remuer un peu les miches. Mais l'opposition assume parfaitement et selon elle, cette révision de la Constitution n'a qu'un but, offrir à la majorité les pleins pouvoirs. Vos provocations à deux ronds, ça j'en ai marre. Souffrez, mes chers collègues, que nous retardions l'heure où le bourreau viendra trancher la tête de l'amendement et en même temps de la démocratie. Quelques minutes plus tard, c'est au tour du président du groupe UMP, Jean-François Copé, de hausser le ton. Je suis profondément outré. Nous passerons au vote pour battre ces amendements tous plus ridicules et grotesques. Traitez-moi de grosse gouine et attaquez-moi puisque vous êtes en colère. Oui, depuis quelques mois, l'ambiance est un peu tendue entre les députés de la majorité et ceux de l'opposition. Un peu plus encore d'ailleurs, depuis la volonté exprimée par le gouvernement Fillon de limiter le droit d'amendement parlementaire. Alors, avant tout, d'où provient ce terme d'amendement ? Écoute bien. Sache qu'en agriculture, l'amendement, c'est un produit apporté au sol, généralement en grande quantité, afin d'en améliorer les qualités physiques et souvent pour en corriger l'acidité. Ah, ben voilà ! Immédiatement, on comprend mieux que ce gouvernement ait sacrément envie d'en limiter l'usage. Mais bon, pour bien comprendre les enjeux de cette réforme parlementaire qui s'annonce, le mieux, je crois, c'est d'essayer d'imaginer ce que Jean-François Copé, patron du groupe UMP à l'Assemblée, attend réellement de cette limitation du droit d'amendement face aux socialistes. Il y a longtemps que je cherchais à rabattre votre caquet, espèce de petit snob. Maintenant, voilà qui est fait, monsieur, grâce à vous. Est-ce que vos brillants amis viendront pour assister à votre exécution ? Je me le demande. Espérons-le. Quel dommage si votre dernier rôle devait être un échec mondain. Cela dit, pour retarder l'exécution de l'opposition, les députés socialistes ont déposé 3718 amendements à l'examen de ce projet de loi organique. Il faut rappeler ici, je crois, que l'Assemblée nationale est une institution née sous la Révolution et proclamée par les députés du tiers-État, avec quelques curés, comme l'abbé Sieyès, le 17 juin 1789, afin d'élaborer une constitution visant à limiter les pouvoirs du monarque. Oui, désormais, la souveraineté doit s'exercer par l'intermédiaire des représentants du peuple, autrement dit, nos députés. Certes, mais encore faut-il maîtriser l'héritage de la Révolution, ce qui n'est pas franchement le cas de tous les députés de droite. Alors, parlez-moi des conditions de la Révolution française. Alors, la Révolution française, c'est les sans-culottes. Ils n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter des slips. Et donc, en plus, d'un côté, il y avait donc les riches. Ils pensaient que s'il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait plus aucune raison d'être riche. Donc, ils ne voulaient pas qu'ils perdent leurs privilèges. C'est pour ça. D'accord. Bon, on commence comme ça. Merci. Tout de suite, on saisit mieux pourquoi l'Assemblée nationale n'a jamais gagné les faveurs de la droite lorsqu'elle est au pouvoir. En gros, elle lui fout la trouille et ce n'est pas vraiment son truc. Non, car à droite, c'est le chef qui prime. Et d'ailleurs, c'est sans doute l'héritage politique que transmet aujourd'hui Nicolas Sarkozy à son fils Jean. Oui, mon grand, il faut être omnipotent. Ou, plus subtilement, il faut être disponible. C'est très important, la disponibilité. Les gens qui me voient depuis toujours et qui sont de mon côté, ils se sentent en sécurité, parce qu'ils savent que je suis là. Alors ils m'aiment davantage. Par contre, les gens qui sont de l'autre côté, ils sont partagés. Mais ils savent que je suis pas loin. Alors ils ont beaucoup plus peur de moi. Il vaut mieux être craint ou être aimé ? Bonne question. Les deux, c'est bien mieux, mais c'est très difficile. Moi, si j'avais le choix, je préférerais qu'on me craigne. La peur, c'est plus solide que l'amour. Une amitié peut toujours se vendre ou s'acheter. Tu le vois bien, si je fais une blague, tout le monde se marre sans hésiter. Je suis amusant, mais pas à ce point. Ils rigolent parce qu'ils ont peur de moi. Mais il faut pas te faire détester. C'est pour ça que je les traite bien, mais pas trop bien. Si je leur donnais trop, ils auraient plus besoin de moi. Je leur donne ce qu'il faut pour qu'ils aient besoin de moi et qu'ils me détestent pas. N'oublie jamais cette leçon. Une belle leçon qui nous enseigne combien cette réforme du droit d'amendement oppose en réalité deux conceptions du pouvoir. D'un côté, ceux qui estiment, quelle que soit la couleur de l'opposition, que la Chambre doit être avant tout un lieu de débat et de résistance face au pouvoir du chef de l'État, et ceux qui considèrent, enfin l'UMP quoi, que l'Assemblée nationale devrait plutôt ressembler à ça. Oui, sire, bien sûr, nous ferons notre devoir, toujours soucieux de ne pas vous décevoir. Oui, sire, bien sûr, vous pouvez faire confiance à la loyauté de la noblesse de France. Bon, alors imaginons au final que cette réforme du droit d'amendement entre réellement en vigueur et que notre Assemblée nationale devienne une simple chambre d'enregistrement des décisions du chef de l'État et de son gouvernement. Du coup, à quoi pourrait bien servir notre Assemblée, bon sang ? Bon, déjà primo, il n'y aurait plus que des députés de droite, puisqu'aujourd'hui, les autres ne serviraient absolument plus à rien. Alors peut-être pourrait-on la transformer en un club de rencontres chaleureuse et sympathique entre les différents députés en séance. Moi, je fournis à la demande. Un coup de bite et j'ai une promotion. C'est toi qui me l'as appris, mon vieux. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à faire de la politique ? Tu rêves au présidentiel, toi ? J'ai envie de régner. Ma grand-mère m'a tellement raconté l'histoire des Capétiens. Tu es devenu royaliste dans les jupes de ta grand-mère. T'aurais préféré que je devienne pédé dans les jupes de ma mère ? Moi, je serai ministre. Alors je donnerai mon avis sur tout. Comme Michel Cotta, comme Simone Veil, comme Edith Cresson. Non, pas Edith Cresson. Plutôt quelque chose comme Thatcher. Une main de fer dans une culotte de président. Je couche pas tant que ça, tu sais. Le ministre que tu m'as présenté, c'est tout. Maintenant, je me suis fixé un plafond, comme au golf. 18 trous. Moi, à 18 bits, je m'arrête. Mais tu verras, je serai loin. Hors de question, bien sûr, de te révéler de quel député il s'agissait ici. Secret professionnel. Bon, sinon, certains ont bien d'autres idées pour trouver de nouvelles fonctions au Palais Bourbon. Par exemple, Rachida Dati, accompagnée de Valérie Pécresse, sont déjà venues pour faire quelques repérages et offrir à la chambre une nouvelle utilité. Tu voudras mettre le berceau dans ce coin-là, tu vois, juste à côté du lit. Non, je crois que je vais mettre le machin dans ce coin. Le berceau, c'est ça ? Oui. Génial ! Et quand il sera plus grand, alors, tu pourras mettre son berceau ici. C'est ce que tu comptais faire. J'avoue que je n'y avais pas encore réfléchi. Et en ce qui concerne la sécurité, parce qu'avec tous les angles de meubles qu'il y a ici... Tu arrêtes maintenant, ça suffit. Mais je veux te donner un coup de main. C'est ça, ton idée du coup de main? Pointer du doigt les choses que je fais mal à ton goût? C'est pas comme ça que... C'est tout à fait. Il faut que tu laisses les autres t'aider un peu si tu veux y arriver. L'Assemblée nationale transformée en une chambre d'enfants, voilà sans doute de quoi faire rêver le gouvernement. Seulement, il ne faut jamais oublier qu'un môme finit toujours par grandir, il devient dès lors adolescent et il refoule le boxon dans sa piaule. Monsieur le Premier ministre, je pèse chacun de mes mots. Le projet de loi organique remet en cause l'un des droits les plus sacrés de notre démocratie, le droit d'amender pour les parlementaires. Allez dire au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Le seul abus que connaisse notre démocratie, c'est bien celui d'un exécutif autoritaire qui ne tolère aucune contradiction, ni de contre-pouvoir. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. La suite, au prochain épisode, car bien sûr, nous ne manquerons pas de suivre attentivement cette obstruction à l'encontre du droit d'amendement. Mais bon, ne présageons de rien et surtout, ayons confiance en la République, car Dieu, quelle sainte face, viendrai-je ici t'annoncer l'Évangile ? Suis-je pour votre grâce tout orage ? Suis-je tout crime ? Dieu, quelle sainte face, viendrais-tu m'annoncer l'Évangile ? Suis-je pour votre grâce tout orage ? Suis-je tout crime ? Chaque jour dans ma tête viendra jaillir la fontaine de pleurs que nos âmes étaient belles. Par quel outrage ai-je perdu ma valeur? J'ai péché, oui, je pleure, tremble et frissonne en lugubres accents. Je suis cent fois puni d'avoir oublié la leçon. Ma cyprine céleste près du cercueil, que devient la beauté? Vous périrez, ma chère, peut-être même entendrez-vous chanter. Marlène, c'est ce que Jean-Louis Murat murmura l'année dernière. Et il a raison, Jean-Louis, car en ce mois de janvier un peu frisqué, les deux vraies reines, bien sûr, sont Marlène Devers et Epiphanie. Jean-Christian Ménard sucera-t-il sans vergogne la fève de Berthier dans le but de la débarrasser de sa couche de frangipane ? Alors maintenant, après avoir découvert à quel point les députés vont être obligés de ranger dardard leur chambre, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent, à 11h26, sa singulière séquence consacrée aux informations du lointain. Parce qu'il n'y a pas qu'aux députés que l'exécutif prend la tête en ce moment. En effet, depuis que notre hyper-président a décidé de s'occuper de tous les dossiers, il ne reste plus qu'à notre pauvre Premier ministre les affaires de deuxième ordre. Ainsi, la semaine dernière, ce qui a complètement monopolisé l'attention de François Fillon, c'est le rapatriement du crâne du philosophe René Descartes, conservé à Paris, au Musée de l'Homme, pour l'offrir aux prytanées militaires de la Flèche dans la Sarthe. Mais depuis quelques jours, on sait que l'affaire ne se fera pas et que Descartes restera à Paris. Pourtant, d'autres fantômes ont été très intrigués par cette étrange histoire et c'est ainsi que cette semaine, les voix de Lina ont joué aux philosophes, mais sans faire leur crâneur. Alors écoutons avec attention ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de Lina. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à Lina, les voix s'interrogeaient. Qu'a de particulier le crâne de Descartes pour qu'on se l'arrache ainsi ? Alors, mercredi soir, comme par hasard, un étrange visiteur s'est présenté à nous avec une drôle d'explication. Selon lui, avant même d'être mort, Descartes était déjà un homme-objet. On verra comment le crâne supposé de Descartes a pu faire l'objet de toutes les divagations, de toutes les rêveries. Aussi bien aurait-il pu être très agacé par cette manière dont on a voulu le récupérer. À la fin de sa vie, l'exilé de Hollande écrit à l'occasion d'un de ses rares voyages en France. « Ce qui m'a le plus dégoûté, c'est que personne n'a témoigné vouloir connaître autre chose de moi que mon visage, en sorte que j'ai sujet de croire qu'il me voulait seulement avoir en France comme un éléphant ou une panthère, à cause de la rareté, et non pour y être utile à quelque chose. » Et pourtant, soupirait Jean Rostand, Descartes avait fait de son mieux pour se rendre utile. Descartes a longuement réfléchi sur la structure et le fonctionnement des êtres vivants. Il a ouvert les estomacs de chiens et de lapins pour s'instruire des procédés de la digestion, fouillé les cervelles pour comprendre ce que sont l'imagination et la mémoire. Il a fait sacrifier des vaches pleines pour connaître l'état du fœtus, briser des œufs de poule pour suivre le développement du poussin. Il se fait gloire, et à juste titre, d'avoir ainsi voulu travailler sur le vif. Maintes fois, on a cité la réponse qu'il fit à un visiteur demandant à voir ses livres préférés. « Voilà ma bibliothèque », lança Descartes, en désignant un cadavre de veau qui attendait le scalpel. Alors, un très vieil homme s'est levé pour nous exposer, en exclusivité, sa rencontre dans la Sarthe avec le crâne de Descartes. Pour une épreuve originale, c'en était une qui s'est déroulée cet après-midi à La Chartre-sur-le-Loir, aux confins du département de la Sarthe, en bordure de celui de d'Indre-et-Loire, où avait lieu le championnat de France des chauves. Les chandelles scintillaient sur cette cinquantaine de crânes nus, il faut l'avouer, le spectacle était assez inédit. À l'issue de ce rassemblement national où une sympathique ambiance ne manquait pas de régner, le secrétaire général, M. Bray, champion du monde 1961, et le président fondateur, M. Guégan, devaient déclarer vainqueur M. René Descartes, qui recevait le titre du plus beau chauffe de France 1963, en soulignant la devise « Chauffe qui peut », bien entendu, et les chauves ont souri à ce moment-là. Désespérant de connaître enfin le secret beauté de ce crâne tant vanté, il ne nous restait plus que les incantations. Je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Je pense, I think, donc je suis, therefore I am. Cogito, ergo sum. Et le crâne a parlé. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !»« Je détiens la force toute puissante !» On n'avait rien compris, mais on était ravis. Sauf Coluche, qui trouvait ça con. Connerie, parce que c'est comme ça, ça s'appelle. C'est Descartes, d'ailleurs, c'est un mec, c'est un philosophe, enfin il est mort, on le compte pas. Hein ? Il disait que l'intelligence, c'est la chose la mieux répartie chez les hommes, n'est-ce pas ? Parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge, hein ? C'est ça le piège. Ah non, mais... Je le dirai à Descartes, hein, que vous l'avez applaudi, ça va lui faire plaisir. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette nouvelle exploration temporelle et poético-burlesque au cœur de l'inattendu. Le crâne de l'auteur du discours de la méthode ne voyagera donc pas dans la Sarthe, ce qui pourtant lui était facile puisqu'il avait des cartes de la région. Eh bien justement, il est temps pour nous de prendre la route puisqu'il est l'heure de nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h31, rejoignons immédiatement notre fantasque village fleuri où nous attendent Monique, une bonne année, et Jean-Claude, un nouvel an anticonformiste. En effet, cette semaine, Monique et Jean-Claude ont dû consacrer quelques heures de leur temps libre pour se plier à la corvée des cartes de vœux, une activité annuelle que Jean-Claude déteste. Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Tous des tocards, tous des faux culs, mais aussi des connards et des bâtards. Voilà ce que Jean-Claude écrit sur les cartes de vœux qu'il doit envoyer. Monique est horrifiée quand elle lit ce qu'a écrit Jean-Claude, mais qui la rassure immédiatement. Non, ces cartes de vœux chargées d'insultes ne vont pas les brouiller avec leurs amis et leurs familles. Et pour le lui prouver, Jean-Claude décide d'emmener Monique visiter le nouveau centre de tri postal très spécial qui vient d'être installé à Grosboul-les-Bains. Et pour cela, Jean-Claude décroche son téléphone pour prendre rendez-vous. Bonne année 2010 ! Ah, monsieur, on est en 2009. Oui, je sais, mais comme ça va être une année de merde, j'anticipe. Oui, bon, c'est vrai, a priori, il a bien raison d'anticiper Jean-Claude, qui obtient immédiatement un rendez-vous pour visiter cet étrange centre postal. Monique et Jean-Claude se trouvent donc maintenant sur le site de ce centre postal installé depuis quelques jours à Grosboul-les-Bains. C'est alors qu'un contremaître expert leur présente le cœur de ses activités. Mon boulot à moi, c'est le tri des cartes de vœux, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'ici nous interceptons l'ensemble des lettres d'insultes que les gens s'envoient pour le nouvel an. Alors c'est une tradition peu connue, mais qui mobilise quand même 300 personnes sur site. Ces injures vous sont adressées par votre famille, par vos amis, par vos proches. C'est vrai que c'est le moment idéal pour vider son sac, pour déverser sa bile. Et donc on se pourrit la gueule d'insultes, on se traite d'enculé, etc. Et nous, notre boulot ici, c'est de calmer le jeu. Alors ce qu'on fait ici, c'est qu'on remplace ces lettres ordurières par des cartes de vœux traditionnelles insignifiantes avec des petits anges, des petits oiseaux et un chalet sous la neige. Donc je répète, derrière chaque carte de vœux traditionnelle que vous recevez chez vous, se cache 9 fois sur 10 une montagne d'insultes. Bonne année quand même. Bonne année quand même, car avec ces cartes d'insultes, transformées en cartes de vœux, écrire pour souhaiter la bonne année devient plus léger. Sauf que Monique refuse expressément que Jean-Claude se livre à une telle manipulation. Il devra écrire lui-même des cartes de vœux classiques avec la bonne année et surtout la bonne santé. Jean-Claude se demande si c'est bien utile de se livrer à une telle hypocrisie, surtout pour la famille de Monique, avec son frère, là, ses parents, ses cousins, et puis... Et puis elle est toute vieille, qui en finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Comment ça, on ne cause pas, on compte ? Demande Monique, qui réplique que dans la famille du Jean-Claude, ce n'est pas mieux. Ah, mais non, dit Jean-Claude. De son côté, on a toujours eu l'esprit de famille, et surtout sa mère. Elle a sa famille en photo, la vieille. Sur le buffet, ils sont en rang. Et ça sourit de toutes ses dents. Il y a les petits-enfants, des enfants, et les enfants, des petits-enfants. Il y a ceux qui viendraient bien des fois, mais qui n'ont pas d'auto pour ça. Ceux qui n'ont pas le temps, qui habitent pas là. Puis il y a les autres. Qui n'y pense pas. Puis il y a les autres qui n'y pensent pas. Et cette pensée fait bondir Jean-Claude. Merde ! Il a complètement oublié de souhaiter la bonne année à sa propre mère. Jean-Claude mobilise alors Monique et les enfants pour un départ immédiat afin de réparer l'oubli. Monique accepte à contre-cœur et elle prépare psychologiquement ses mômes à cette visite. Ben non, elle habite plus rue du Rocher. On la mise. Enfin, la mise. Non, elle habite. Elle habite dans une grande maison. Avec plein d'autres vieilles dames. Que leur mari est mort aussi, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je rigole, c'est pas drôle, alors. Bon, je comprends que c'est joli un peu, que c'est joli, tu penses. Elles ont chacune leur box. C'est vrai, ta mère, on s'en est toujours bien occupé. Elle devrait être bien là-bas. Elle peut. Ah, nous, on va bien le sentir passer, quand même, hein. Oui, bon, Monique a tout de même décidé aujourd'hui de faire bonne figure devant sa belle-mère, résidente d'une maison de retraite. Pourtant, une fois sur place, à peine arrivée, Monique est exaspérée par sa belle-mère. J'ai faim. Vous n'aviez qu'à manger à l'heure du déjeuner. J'avais pas faim à l'heure du déjeuner. C'est dommage. Vous mangerez mieux ce soir. C'est un monde. Vous êtes payée pour vous occuper de moi tout de même. Je suis pas payée pour tourner en bourrique. Vous avez des petits gâteaux planqués dans votre chambre. Vous pouvez en grignoter, ça vous fera patienter. Oh là! Ça part en vrille entre Monique et sa belle-mère. Jean-Claude décide alors d'abréger la visite. Allez hop, tout le monde quitte la maison de retraite, sauf bien entendu la mère du Jean-Claude, qui reste donc tranquille en compagnie de ses amis, les autres pensionnaires. Je ne vous ai pas présenté mes bons voeux. Ah non, non, hein, je les attendais. Bah, je vous les présente alors. Je voulais vous, de même, hein, je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année. Voilà, plein de bonnes choses. Bah oui, pour vous aussi. Hein? Souhaitez-moi aussi que mon fils divorce. Ah oui, j'allais vous dire, est-ce que votre fils va enfin divorcer? Oh, je n'en peux plus de ma petite Bru. Ah oui? Oh, je ne l'ai jamais aimée. Cette petite punaise? Ah oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, votre petite Bru? Comment? Pas grand-chose de sa vie? Elle fait rien du tout. Elle pompe mon fils. Elle traîne. Espérons. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Place down your name. Say Haha, c'est ce que nous recommande en ce début janvier Santo Gold. Même si ce n'est plus du tout la période des santons en or, mais plutôt celle des fèves. C'est Berthier qui est le roi. Ah, c'est chouette. Qu'est-ce que c'est formidable quand même. Hein, c'est vraiment, c'est... Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h40, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré ce matin aux luxueux luminaires ecclésiastiques. Certes, ce sujet pourrait te paraître saugrenu, mais vois-tu, devant notre consommation électrique frénétique, à tel point que le patron d'EDF évoquait encore il y a quelques jours d'éventuelles pénuries, notamment en Bretagne, eh bien, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, a décidé de trouver des solutions alternatives au courant, en particulier pour s'éclairer. Résultat, notre Lascar est allé à la rencontre d'un aumônier, le père Philippe Desjans, pour évoquer avec lui, entre autres, l'utilité lumineuse des cierges. J'ai bien dit « entre autres », car Brassens, par exemple, avait envisagé d'autres fonctions pour un cierge. Ainsi, juste après la virgule, découvrons la sainte lumière qui jamais ne s'éteint près du tabernacle. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Le luxe se cache parfois dans des endroits bien étranges. Cette semaine, le luxe s'allume, se consume et parfois éclaire. Et oui, dans une boutique du très chic 6e arrondissement parisien par exemple, tu peux acquérir une belle bougie pour la modique somme de 200 euros. Et figure-toi que, aux surprises, cette même boutique fournit la plupart des églises de France depuis 1645. Le fait que beaucoup de gens maintenant aiment avoir des cierges chez eux, des bougies, est-ce que c'est un détournement d'un symbole religieux? Ça peut l'être. On peut très bien tomber assez vite, si la pratique, c'est comme tout geste religieux, s'il n'est pas réévangélisé de l'intérieur, s'il n'est pas resignifié à travers la symbolique biblique ou la tradition de l'Église, eh bien on peut très bien tomber dans une pratique qui est superstitieuse, voire idolâtrique. Rajoutez des bougies, des agrumes disposés dans un tagine et vous obtenez une table orientale très contemporaine. Si je mets des bougies pour décorer mon appartement, c'est clair, c'est pour décorer mon appartement. Si c'est pour faire joli, c'est très bien, c'est pas interdit. L'Église n'a pas le monopole de l'usage des bougies. Donc j'ai le droit de mettre des bougies dans mon appartement ou sur ma table de fête pour la décorer. Voilà, on a complètement perdu la signification que je vous ai indiquée. Ouais. On est dans le décor, ça a son intérêt, mais on n'est plus du tout dans un acte de dévotion, dans un geste de foi. Les bons fidèles qui désirent garder pour eux sur le chemin des processions, leur bout de cire, doivent le tenir à quatre mains. Car quand elle s'en mêle, Sainte Vierge, elle cause un désastre, un malheur, elle cause un désastre, un malheur. La Saint-Barthélemy des cierges, c'est le jour de la chandeleur, c'est le jour de la chandeleur. Le Christ, symbolisé par une lumière, c'est pour ça que nous allumons à la messe des bougies autour de l'autel, pour signifier cette lumière qui est le Christ, qui est Dieu, dans la nuit pascale, nous allumons un énorme cierge à un feu qui est fait, le fameux feu pascal, où le Christ est censé nous éclairer, et il va être cette lumière qui brille dans le cœur de l'Église pendant tout le temps pascal. Am Gilead à Kadesh Bil Gemat, par le biais de Shor Etra Regalion, dans les êtres de Gash Bil Betuel Bazola, qui présenta le pot de beurre à Balthazar et le piquet de tente de la lignée des Rachamon, alors il sacrifia les chèvres, comme il est dit, en répartit tous les morceaux en petits pots. Ici s'achève la leçon. Alors parfois les gens aussi le mettent pour un vœu. C'est-à-dire que pour obtenir une grâce de la part de Dieu, ils mettent un cierge et devant, alors, en se servant de l'intérieur, d'un intermédiaire qui va être le saint, d'un intercesseur qui va être le saint, que ce soit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que ce soit Saint Antoine de Padoue, le curé d'Ars, enfin les saints qui peuvent figurer dans nos églises. Donc on va le baptisé va se servir de l'intercession d'un saint pour qu'une prière, pour que quelque chose qu'il souhaite lui arrive, et pour signifier matériellement cette prière et ce vœu, ils vont déposer une bougie, un lumignon devant la statue du saint en question. Quand son bon maître lui dit est-ce trop vous demander, Mélanie, de n'user par délicatesse que de cierges non encore bénis. Eh bien oui, Mélanie, veuillez utiliser des cierges non encore bénis, y compris s'il s'agit de les installer dans une lanterne qui, certes, vous est chère, Mélanie, mais dont l'utilité est bien loin de la maison du Seigneur, n'est-ce pas ? Résumons-nous. Il s'agit, je crois, d'un ustensile d'éclairage. D'une lanterne, Monsieur le Président ? Non. Un luminaire imitation Louis-Philippe. Une lanterne, Monsieur le Président ? Eh bien, soit une lanterne. Bon, je vous avoue d'ailleurs mon étonnement. On vous vole pour 100 millions de bijoux et il n'y a que cette lanterne qui semble vous préoccuper. Parce que cette lanterne, Monsieur le Président, cette lanterne, c'est toute ma jeunesse. Sa maison de Toulon, vous n'avez pas connu ? Ben, non, je regrette. C'était bien ? Exemplaire. Et le jour de l'inauguration, tu te souviens du boom ? Toute l'escadre sous les frondaisons. Deux amiraux en civil et mes petites mignonnes en marin. et tout un spectacle de variété, Monsieur le Président. Hein. Des scénettes entièrement mimées. Daphnis et Chloé, Adam et Ève au paradis, les filles de Lot. Ah oui, du biblique et de l'amusant. Et avec le respect de l'art, hein, Monsieur le Président, attention. Dites-moi, Froment, ce charmant conservatoire de province dont vous nous décrivez les fastes inauguraux, ne s'appelait-il pas par hasard le Grand Tivoli ? Tout juste ! C'était pas un peu l'obiche ? Monsieur le Président, Froment est en train, j'ai le regret de vous en avertir, de faire devant le tribunal l'apologie d'une maison de prostitution. La prostitution ! Là, les gros mots qui recommencent ! Les boniments de chaisière ! Et en plus, ça parle sans savoir. Parce que vous deviez être un peu genou, hein, quand on a fermé. C'est pas vrai, Monsieur le Président ? Si ça se trouve, il était puceau. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. À ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis tu es parti, j'ai cherché le repos. J'ai vécu comme un robot, mais aucune autre n'est venue remonter ma vie. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, dans d'autres voix qui rassurent. Mes mots d'amour, tu te prendras au jeu des passions qu'on jure. Mais tu verras d'aventure le grand amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait un cœur tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages et ça vous poursuit en un mot. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante, ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Toi et moi, amoureux, autant ne plus y penser. On s'était plus à y croire, mais c'est déjà une vieille histoire. Ta vie n'est plus ma vie, je promène ma souffrance de notre chambre au salon. Je vais, je viens, je tourne en rond dans mon silence. Je crois entendre ta voix tout comme un murmure qui me disait je t'assure. Le grand amour sorti à temps viendra pour toi, j'en suis sûr. Il guérira tes blessures. Le grand amour, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient. Ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait un corps tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages et ça vous poursuit en amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse un peu les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait un cœur tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages et ça vous poursuit en même mot. Ça s'en va et ça revient. Chanson populaire. C'est le magnifique Claude François, un maestro de la chanson presque aussi populaire qu'un pilote d'avion au-dessus de l'Hudson River. Regardez, regardez! Oh. C'est un moineau, tout simplement. Oui, on sait ce que c'est, on en a déjà vu. Mais est-ce que les enfants n'agacez pas les oiseaux? Parce que si vous les ennuyez, ils se jettent sur vous. Les enfants jouaient tous ensemble, tranquillement. Les oiseaux les ont attaqués. Attaquer est un bien grand mot, vous ne croyez pas? Je veux dire que les oiseaux n'attaquent pas les gens sans raison. Vous me comprenez? Les gosses leur ont probablement fait peur, c'est tout. Les oiseaux les ont attaqués. Alors maintenant, à 11h51, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et, afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, sévèrement présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors comment ça va et que dit la presse cette année, camarade, je dis n'importe quoi. Que dit la presse cette semaine, camarade? Cette semaine, alors, bah, écoutez, déjà ça va très bien Philippe. Et dans la presse cette semaine, j'ai été émerveillé par l'attention que les journalistes portent sur les petits détails. Et ils ont raison parce que c'est un excellent moyen pour mieux comprendre les enjeux globaux. Mmh. Ainsi cette semaine, par exemple, ce sont les chaussettes qui sont à l'honneur. Alors il y a tout d'abord cette information du magazine estonien Eesti Ekspress qui annonce qu'en Estonie, justement, les autorités ont décidé que les journalistes seront désormais pieds nus lors des conférences de presse. Hmm. Voilà, fini les chaussures, et cela afin d'éviter évidemment ce qui s'est passé en décembre dernier en Irak contre George Bush, une partie de chamboule tout contre celui qui a chamboulé le monde. Vous n'avez pas compris. D'accord. Et voilà. Hmm. Alors, bon, l'article précise que si la température devient négative, les journalistes pourront garder leurs chaussettes. Ça, c'est très bien. Alors en fait, Philippe, cette dépêche était une blague. On pouvait s'en douter parce qu'elle a paru dans la rubrique humoristique du magazine. C'est un canular, quoi, rien de plus. Sauf que ces petits Estoniens taquins, indépendants depuis 18 ans, ont oublié qu'en ce moment, leur grand voisin russe n'a pas trop le sens de l'humour. Et c'est sans doute pourquoi, en Russie, cette information a été relayée comme véridique. Et ils y ont cru, les Russes, à cette histoire de conférence de presse en chaussettes. Comme quoi, Philippe, une presse muselée par Poutine patine dans la routine et perd son esprit critique. Oui, c'est beau. Hein. Alors, ainsi, ce petit canular estonien montre combien les petits détails sont nécessaires pour mettre un peu de fantaisie dans notre triste monde. Et pour de la fantaisie, on peut toujours compter sur le grand fantaisiste du moment, j'ai nommé François Fillon. En octobre dernier, lors du sommet de la francophonie à Québec, François, toujours dans la déconne, a décidé de porter des chaussettes rouges. Ah oui, on a vu ça. Ah, c'est énorme. Alors cette semaine, de passage sur Canal+, il s'en est expliqué en disant que ses chaussettes lui avaient valu un incident diplomatique. Rien de moins. Oui. Oui, alors que s'est-il réellement passé? Eh bien, un quotidien québécois a simplement mis comme légende à une photographie de François Fillon avec ses chaussettes qu'il préférait Ottawa, puisque le rouge est la couleur du drapeau fédéral, alors que la couleur du Québec, c'est le bleu. Mmh. Rien de plus. Mmh. Alors, François Fillon explique le pourquoi de ses chaussettes. Il n'aime pas porter l'uniforme de Premier ministre. Oui, oui, François, il est comme ça. Il est rebelle. Oh. Arrache tes fringues. Alors, deux remarques. Primo, le coup des chaussettes rouges, Balladur, un autre grand déconneur, on s'en souvient. Grosse déconne. Il l'avait déjà fait par le passé, bon ça marche pas, hein. Ça marche pas pour avoir l'air décontracté, c'est pas le bon truc. Et puis, surtout utiliser ce petit détail, c'est un peu prendre les Québécois pour des neuneux. Comme si ces chaussettes pouvaient faire oublier que si les Québécois à l'époque, ils grognaient. C'est parce que Nicolas Sarkozy avait séché le sommet de la francophonie. Et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas contents. Ce n'était pas du tout pour les chaussettes rouges. Et c'était une première quand même, hein, qu'un président de la République française ne soit pas au sommet de la francophonie. Voilà comment un petit détail détourne l'attention. Il devait se dire ça, il devait dire « ouais, c'est nul, on s'en fout ». Il était parti voir George Bush. Ah bah oui. Voilà, son ami. Alors d'ailleurs, cet intérêt journalistique pour le minuscule et le parcellaire se retrouve ce mois-ci dans une fine analyse de la sphère politique. C'est le magazine Antiquité Brocante du mois de janvier qui nous offre un formidable dossier intitulé « Ramasse-miettes, toujours à votre service ». Alors l'article nous présente en détail cet ustensile ménager incontournable composé d'un petit plateau avec, selon les modèles... Ça vous plaît ça, J'adore. Ça vous plaît le ramasse-miettes. Mais oui, parce que selon les modèles, Philippe, vous avez la brosse séparée ou bien la balayette intégrée. Ah, voilà. Alors, quel est le message véhiculé ici? Eh bien, il s'agit, évidemment, mais ça tout le monde l'a compris, d'une très belle métaphore de l'UMP. C'est un quasi-ministère aujourd'hui. On s'en est aperçu cette semaine avec le remaniement ministériel, hein, vous avez vu? Ça, c'est vrai. Oui, l'UMP, t'es compris dans le remaniement ministériel. Maintenant, on dit remaniement ministériel, on nomme Trucmuche à l'UMP. Voilà, le ministère de l'UMP. Alors, le mensuel Antiquité Brocante utilise un détail, donc en l'occurrence le ramasse-miettes, pour souligner les orientations structurelles de notre société. Je vous explique, page 39, l'article précise que pour être dans l'air du temps, nous devons tous ressortir, je cite, « les couverts en argent, les assiettes en faïence, les bougeoirs et surtout, les ramasse-miettes ». Alors, pourquoi? Eh bien, la réponse se trouve à la page suivante. Parce que le ramasse-miettes est le symbole du confort domestique. C'est le confort de la classe dominante, à savoir la bourgeoisie. Donc vous voyez là, le modèle de société est clairement posé. Chacun ramasse ses petites miettes pour sa tronche comme ça dans son coin. Bon, des miettes de plus en plus petites, hein, parce que le taux du livret A baisse. Tandis que l'UMP, tel un gros ramasse-miettes, récupère les miettes des petits partis de l'opposition qui, eux, sont plutôt complètement... en miettes. Oui. Alors, pour finir, une dernière information relevée dans la presse cette semaine. George Bush, père, ancien président et père d'ancien président, a déclaré dimanche à la chaîne Fox News qu'il avait l'intention de sauter en parachute malgré ses 84 ans. Son fils W est d'accord. Moi, je dis pourquoi pas. Mais dans ce cas, il faudra régler les petits détails et prévoir les accessoires de table. Bon ben, un ramasse-miettes pour l'atterrissage du père et un rince-doigt pour le sang des mains du fils. Merci Monsieur Mauduit pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 146e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Manchin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche à 11h et en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Manchin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, Monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr le maestro, H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Sophie Moreno et de Patrick Henry. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Marie Berthoumieux. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin au formidable documentaliste de l'INA. Voilà, la journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Et puis, un dernier mot pour finir. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir placé la panique au Manchin Palace et France Inter, forcément, en tête de toutes les radios chaque dimanche. Vous êtes désormais 1 500 000 à venir nous retrouver entre 11h et midi. Ce succès, c'est à vous que nous le devons. Alors très sincèrement, merci beaucoup. Allez, portez-vous bien. Prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi.